Mais ouais. L'unique, mais ouais. Thérèse a lu tous les bouquins. Thérèse a fui tous les potins. Loin du programme politique. Thérèse porte sans voix le mystique. Briser l'anathème, mais ses grands yeux de diadème. Totem, totem, totem, Thérèse, chrysanthème. Le ciel est bleu, l'océan bleu, les larmes bleues de Thérèse. Le ciel est bleu, l'océan bleu, il pleut des diamants bleus, des yeux de Thérèse. Viens à la maison, le temps t'attend. Viens à la maison, on t'aime tant. Viens à la maison, le temps t'attend. Viens, viens, viens, viens, reviens, essence du temps. Munio. Me uyesi e un te uria e uyeri di omario e uriri di ma omario e estrella mi amario e diene bio e une doyo e diene bio e estrella mi amario e estrella mi amario. N'oubliez pas le Burundi, n'oubliez pas la Sierra Leone, n'oubliez pas l'Angola, n'oubliez pas le Rwanda, n'oubliez pas le Libéria. On ne veut pas de guerre chez nous, on ne veut pas de génocide chez nous, on ne veut pas de guerre civile chez nous. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive Alpha Blondie. On t'aime tant. Viens à la maison, le temps t'attend. Viens, viens, viens, viens, reviens, Thérèse, reviens. Vêtue d'un soleil, Thérèse merveille. Sous ce ciel vermeil, sa solitude s'éteint quand l'océan l'étreint. Et sans haine, ni rengaine, les ailes bohèmes de l'éternel l'amènent loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin de la gêne. Et Thérèse n'a pas de haine. Viens à la maison, le temps t'attend. Viens à la maison. la maison, on t'aime, on t'aime tant. Viens à la maison, le temps t'attend. Viens, viens, viens, viens. Venez tous, venez tous, venez tous. On vous aime tant. Venez tous au pays. On vous y attend. Entrez au pays. À besoin. À besoin. Il y a bien encore. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci. All right. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Les militaires ont mis le pays par terre. Et j'ai intérêt à me taire. Sinon, ils vont m'envoyer 6 pieds sous terre. C'est la dictature militaire. La dictature militaire. C'est la dictature militaire. Aidez-nous à nous en défaire.